Le communiqué du comité préparatoire du Côté Nord pour le Rassemblement Pan-National en faveur de la paix et de la réunification de la patrie et du développement des relations intercoréennes. La deuxième session de la Commission de travail commune du Nord, du Sud et de la Diaspora pour le Rassemblement Pan-National en faveur de la paix et de la réunification de la patrie et du développement des relations intercoréennes s'est tenue les 11 et 12 avril à Shenyang, Chine, en présence des membres des commissions de travail des comités préparatoires du Nord, du Sud et de la Diaspora. Lors de la session, on a informé des activités des comités préparatoires menées après la première session de la Commission de travail commune tenue à la première décade de février dernier et discuté les problèmes pratiques posés dans le processus des préparatifs pour le grand meeting pan-national en faveur de la réunification et l'orientation d'activités à suivre dans l'immédiat. Les participants ont réaffirmé que le Rassemblement Pan-National devrait être un grand meeting de toute la nation, réunissant largement des représentants de tous les milieux, y compris les autorités, et décidé de le réaliser à coup sûr avant la fin de cette année. Ils se sont accordés à commémorer en commun par le Nord, le Sud et le Diaspora le 17e anniversaire de la publication de la Déclaration commune du 15 juin et à tenir à cette occasion la troisième session de la Commission de travail commune. Pendant la période de la session, il y a eu aussi les contacts de travail entre les représentants de différentes couches comme ouvriers, paysans et femmes du Nord et du Sud. Lors des contacts, on a décidé d'impulser activement dans l'espace du 15 juin au 4 octobre, période de commémoration de publication des déclarations Nord-Sud, des cérémonies communes variées, notamment la conférence par organisation des ouvriers et paysans du Nord et du Sud, les rendez-vous, le match de football des ouvriers Nord-Sud pour la réunification. Pyongyang, le 21 avril de l'an 106 du Tutsé 2017.